Chapitre 12, Séguin. Vous allez mieux? Vous serez bientôt rétabli, je suis heureux de voir que vous vous êtes tiré de là. » Il dit cela sans me présenter la main. « C'est à vous que je dois la vie, n'est-ce pas ?» Cela peut paraître étrange, mais dès que j'aperçus cet homme, je demeurai convaincu que je lui devais la vie. Je crois même que cette idée m'avait traversé le cerveau auparavant, dans la courte période qui s'était écoulée depuis que j'avais repris connaissance. L'avais-je rencontré pendant mes courses désespérées à la recherche de l'eau, ou avais-je rêvé de lui dans mon délire ?« Oh oui, » me répondit-il en souriant, « mais vous devez vous rappeler que j'étais redevable envers vous du risque que vous aviez couru de la perdre pour moi. Voulez-vous accepter ma main? Voulez-vous me pardonner? Après tout, il y a une pointe d'égoïsme, même dans la reconnaissance. Quel changement s'était opéré dans mes sentiments à l'égard de cet homme? Je lui tendais la main. Et quelques jours auparavant, dans l'orgueil de ma moralité, j'avais repoussé la sienne avec horreur. Mais j'étais alors sous l'influence d'autres pensées. L'homme que j'avais devant les yeux était le mari de la dame que j'avais vue. C'était le père de Zoé. Son caractère, son affreux surnom, j'oubliais tout, et un instant après, nos mains se serraient dans une étreinte amicale. « Je n'ai rien à vous pardonner. J'honore le sentiment qui vous a poussé à agir comme vous l'avez fait. Une pareille déclaration peut vous sembler étrange. D'après ce que vous saviez de moi, vous avez bien agi. Mais un jour viendra, monsieur, où vous me connaîtrez mieux, et où les actes qui vous font horreur non seulement vous sembleront excusables, mais seront justifiés à vos yeux. Assez pour l'instant. Je suis venu près de vous pour vous prier de taire, ici, ce que vous savez sur mon compte. » Sa voix s'éteignit dans un soupir en me disant ces mots, tandis que sa main indiquait en même temps la porte de la chambre. « Mais, » dis-je à Séguin, désirant détourner la conversation d'un sujet qui lui paraissait pénible, « comment suis-je venu dans cette maison? C'est la vôtre, je suppose? Comment y suis-je venu? Où m'avez-vous trouvé ?»« Dans une terrible position, » me répondit-il avec un sourire. « Je puis à peine réclamer le mérite de vous avoir sauvé. C'est votre noble cheval que vous devez remercier de votre salut. Ah, mon cheval, mon brave Moreau, je l'ai perdu. Votre cheval est ici, attaché à sa mangeoire, pleine de maïs, à 10 pas de vous. Je crois que vous le trouverez en meilleur état que la dernière fois que vous l'avez vu. Vos mules sont dehors, vos bagages sont préservés, ils sont là. » Et sa main indiquait le pied du lit. « Et God, voulez-vous dire ? » interrompit-il. « Ne vous inquiétez pas de lui, il est sauf aussi. » Il est absent en ce moment, mais il va bientôt revenir. Comment pourrais-je jamais reconnaître? Oh, voilà de bonnes nouvelles. Mon brave Moreau, mon bon chien Alpe, mais que s'est-il donc passé? Vous dites que je dois la vie à mon cheval? Il me l'a sauvé déjà une fois. Comment cela s'est-il fait? Tout simplement, nous vous avons trouvé à quelques milles d'ici, sur un rocher qui surplombe le Del Norte. Vous étiez suspendu par votre lasso, qui par un hasard heureux s'était noué autour de votre corps. Le lasso était attaché par une de ses extrémités à l'anneau du mort, et le noble animal, arc-bouté sur les pieds de devant et les jarrets de derrière, ployés, soutenait votre charge de son col. Brave Moreau, quelle situation terrible! Terrible, vous pouvez le dire. Si vous étiez tombé, vous auriez franchi plus de 1000 pieds avant de vous briser sur les roches inférieures. C'était en vérité une épouvantable situation. J'ai perdu l'équilibre en cherchant mon chemin vers l'eau. Dans votre délire, vous vous êtes élancé en avant. Vous auriez recommencé une seconde fois si nous ne vous en avions pas empêché. Quand nous vous eûmes allé sur le rocher, vous fîtes tous les efforts inimaginables. Pour retourner en arrière, vous voyez l'eau dessous, mais vous ne voyez pas le précipice. La soif est une terrible chose, c'est une véritable frénésie. Je me souviens confusément de tout cela. Je croyais que c'était un rêve. Ne vous tourmentez pas le cerveau. Le docteur me fait signe qu'il faut que je vous laisse. J'avais quelque chose à vous dire, je vous l'ai dit. Ici, un nuage de tristesse obscurcit le visage de mon interlocuteur. Autrement, je ne serais pas entré vous voir. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je sois loin d'ici cette nuit même. Dans quelques jours, je reviendrai. Pendant ce temps, remettez vos esprits et rétablissez votre corps. Le docteur aura soin que vous ne manquiez de rien. Ma femme et ma fille pourvoiront à votre nourriture. Merci, merci. Vous ferez bien de rester ici jusqu'à ce que vos amis reviennent de Chihuahua. Ils doivent passer près de cette maison. Et je vous avertirai quand ils approcheront. Vous aimez l'étude? Il y a des livres en plusieurs langues. Amusez-vous. On vous fera de la musique. Adieu, monsieur. Arrêtez, monsieur, un moment. Vous paraissiez avoir un caprice bien vif pour mon cheval. Ah, monsieur, ce n'était pas un caprice. Mais je vous expliquerai cela une autre fois. Peut-être la cause qui me le rendait nécessaire n'existe-t-elle plus. Prenez-le, si vous voulez. J'en trouverai un autre qui le remplacera pour moi. Non, monsieur. Pouvez-vous croire que je consentirais à vous priver d'un animal que vous aimez tant et que vous avez tant de raisons d'aimer? Non, non, gardez le brave Moreau. je ne m'étonne pas de l'attachement que vous portez à ce noble animal. Vous dites que vous avez une longue course à faire cette nuit. Prenez-le au moins pour cette circonstance. Cela, je l'accepte volontiers, car mon cheval est presque sur les dents. Je suis resté 2 jours en selle. Eh bien, adieu. » Séguin me serra la main et se dirigea vers la porte. Ses bottes, armées d'éperons, résonnèrent sur le plancher. Un instant après, la porte se ferma derrière lui. Je demeurai seul, écoutant tous les bruits qui me venaient du dehors. Environ une demi-heure après qu'il m'eut quitté, j'entendis le bruit des sabots d'un cheval et je vis l'ombre d'un cavalier traverser le champ lumineux de la fenêtre. Il était parti pour son voyage, sans doute pour l'accomplissement de quelqu'une de ses œuvres sanglantes qui se rattachaient à son terrible métier. Pendant quelque temps, je pensais à cet homme étrange et je ressentis une grande fatigue d'esprit. Puis mes réflexions furent interrompues par des voix douces. Devant moi se tenaient 2 figures aimables, et j'oubliais le chasseur de chevelure.